Ingor qui a demandé à poser une question. Donc Ingor, tu peux démute ton micro et poser ta question. Nous verrons la réponse. Plutôt intérêt à fermer vos gueules, ouais. Pardon. Bonsoir. Salut Bonsoir. Ingor. Bonjour. J'ai une question. Fort à propos, puisqu'on parlait de PVP juste après, mais j'ai un peu de mal à passer après tout Mitruor, parce que bon, beaucoup de pression. Ouais, vas-y. Je voulais juste voir avec vous si vous aviez des infos sur l'éventualité d'un vrai arrêté des GM de Codemasters vis-à-vis des infractions dans les Landes qui ont pu donner lieu à énormément de bans récemment. J'ai moi-même dû contacter 4 GM différents pour avoir une immunité pour toute ma guilde au ticket que les rageux peuvent faire sur Estelle contre des pour des pools de PNJ. Hein. Après ça, j'ai plus été embêté. Bon, les GM ont fait leur travail, c'était bien. Le problème, c'est que demeure le problème. Ouf, la belle répétition. Reste le souci de fixer vraiment la limite entre le ban, le kick one shot comme ça. C'est marrant, mais c'est une info, quelque chose ou Bah, de toute façon, je ne peux rien vous c'est... dire. Non, non, non, non, mais de toute façon, c'est un sujet qu'on discute depuis quand même tellement de mois que, bon... De toute façon, je savais que ce genre de sujet allait tomber, et c'est normal, parce que les joueurs ont le droit de se poser les questions, et ils ont le droit d'être inquiets par rapport à ce qui a pu se passer, Ah, moi ou je dans suis le plus inquiet, passé. c'est bon. Non, non, mais J'ai c'est... enfin, moi j'ai pas d'inquiétude à propos de ça. Je te dis, j'ai discuté avec des GM, ils m'ont dit oui, on voit bien, il y a des tickets de rageux, on va pas y faire attention, etc. Donc depuis que j'ai eu une discussion avec 3 ou 4 GM différents, aucun souci à ce sujet-là. Le problème, c'est pour la personne qui aura pas fait cette démarche-là, ça m'inquiète un petit peu. Que n'importe qui puisse faire ban n'importe qui Non mais de toute comme façon, ça, enfin sur une simple les, allégation. c'est, enfin tu parles de, tu en avais à l'appel, c'est pas le cas non plus, hein. Faut préciser quand même ça, c'est Ça a failli pas faire une vraie les. avalanche. Hein. 2 jours après que Mosgam se soit fait ban, j'ai 2 personnes de ma guilde qui ont commencé à prendre des avertissements. Ah oui, Une non mais. anxiété particulière. Je vais pas pouvoir, enfin, je sais pourquoi on Mais s'oriente dans je veux cette bien qu'on en reste, direction-là et on je va pas aller comprends. s'extrapoler parce qu'on peut y passer 1 heure. Mais je voudrais bien juste la réponse sur est-ce qu'il va y avoir une vraie fixation de la charte sur ce point-là ou pas du tout? De toute façon, Une les GM, règle. ils Une travaillent en règle que équipe. les gens puissent respecter. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai demandé aux GM. Ils me disaient qu'ils ne pouvaient pas, qu'on s'était en discussion, etc. Moi, je suis curieux de savoir où en sont les réflexions à ce stade-là, 6 ou 8 mois après. De toute façon, bah, ce que je vais pouvoir te répondre. Alors, on va faire ça en deux temps parce que les équipes des GM, ils ont des règles à suivre, mais parfois il arrive qu'effectivement ce soit de manière subjective, comme par exemple un rename, qui est également un autre sujet en discussion. Est-ce que le rename de tel nom, qui se rapproche de, je sais pas, d'une marque ou d'une quoi, un nom grossier, autant il y a des noms grossiers, tu diras, ah ouais, clairement là c'est un abus, il faut que je renomme, autant dans d'autres cas, en fonction du GM, enfin, c'est très difficile. Comment tu peux savoir si ce nom-là va choquer un joueur et ne va pas choquer l'autre? Parce que finalement, on arrive à ça, c'est ça la finalité du problème. Certains joueurs vont être choqués, d'autres vont pas l'être, d'autres vont se dire, je suis entre les deux, je sais pas trop. C'est pareil pour les GM, ça reste des êtres humains, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on a des règles, c'est pour ça qu'on a un senior GM qui est chef d'équipe et qui va décider de la décision ultime. Donc faut pas penser que les GM peuvent comme ça abuser de leur pouvoir. Il y a toujours un senior GM qui est au-dessus et qui contrôle ce genre de choses. Donc c'est pas une science exacte, il n'y aura jamais de solution idéale. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que le senior GM sera toujours là pour régler ce genre de questions. Même si le débat peut ne jamais s'arrêter, tu vois. C'est pas Donc en une fait, tu question dis qui peut être arrêtée comme ça à pas de réponse 100%. sur une charte arrêtée pour le PVP qui soit plus claire que libre appréciation de Codemasters, on vous banne si on a envie. Bon, on peut proposer des choses, d'ailleurs c'est déjà le cas, hein. On a déjà un fil de discussion qui explique un petit peu les abus de Oui, couleur, les zones notamment noires, les. Voilà, les zones c'est blanches, les ça, zones zone grises. noire, zone Il grise, zone est blanche. génial ce fil en plus. On peut classer une faute dans trois trucs différents juste en modifiant l'appréciation, comme tu disais. C'est vachement sujet à Bah, c'est ça, on pourra pas, subjectivité. on pourrait pas lister, Donc pas non de mais réponse. non mais si, je suis en train de te la donner là. On pourra pas lister de manière très spécifique, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on envisage les abus et les règles. Et si l'équipe de GM se comporte toujours sur ce fil de discussion, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est subjectif et que c'est très difficile de dire bah pour un nom. Tu vois, comment tu pourrais faire des règles pour un nom, par exemple? possible. Je parle pas de nom. Je parle de situation Donc PVP. là, c'est vraiment, tu veux dire, plus spécifiquement pour la zone PVP, en fait, finalement. Oui, ah oui, non, mais moi, les chartes de nom ou autres, non, non, vraiment pour la zone PVP. T'as bien répondu tout à l'heure sur les doubles comptes, c'était assez intéressant par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers jours, mais oui, C'est vrai que c'est assez flou quand même. Mathias, c'est trop. Je vais essayer de Juste. préciser, je pense que ce Kingor dit, Ouais. mais c'est qu'il y a effectivement Mais des oui, c'est son nom. situations qui sont clairement interdites dans les Landes. Et effectivement, il n'y a pas de liste de trucs. Par exemple, Le pool des si on se PNJ. met dans une position telle que on pourra descendre le capitaine général sans se faire toucher parce que voilà, etc. On exploite le truc. Enfin, au moins. Pas nécessairement tous les exploits, etc. Je comprends qu'il n'y ait pas de règles, mais une liste d'exploits stricts, comme enfin, moi je pense à des trucs en PvE, où quand on se met dans la porte dans telle On se fait instance, pas on toucher. bloque le boss et on peut le tuer Ouais. sans se faire tuer. Alors là, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'il y a quand même une autre raison pour laquelle on ne donne pas d'exemple très spécifique. C'est parce qu'on s'est Pour rendu éviter que les compte gens qu'à... le utilisent. Exactement. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'à C'est chaque fois connu. qu'il y a un abus, un exploit dans une instance ou dans un raid ou n'importe où, si on dit vous n'avez pas le droit de faire ça, le résultat systématique, c'est qu'il y a plein de gens qui vont dire ah, on peut faire ça dans le jeu et qui vont l'essayer. Et ça coupe pas, hein. C'est tout le temps le cas. Donc c'est pour ça que les GM ont dû se dire bah on ne peut pas donner d'exemple spécifique. Après, Après, les exemples c'est dans les peut-être Landes, une on les raison parmi connaît. d'autres, mais ça peut apporter un élément d'explication. Et de toute façon, Donc on en c'est un. reste à vous pouvez pouler tous les PNJ du camp chasseur en sprint si vous avez envie, tant que vous ne le faites pas de manière répétée. Mais voilà, là, tu prends aussi un exemple. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de me lancer dans un sujet qui est lié à ce qui s'est passé dans. Ah, c'est pas lié à un cas précis, hein, je te dis, j'ai Ah eu bah, quand même, exactement le si. même genre. Ah non, mais je te dis, j'ai eu moi-même des avertissements pour des gens de ma guilde sur exactement la même chose, jusqu'à ce que j'intervienne. Donc, Bah, c'est pas un après, cas je vais dire, précis, moi, enfin, c'est un cas précis de situationnel, pas une personne. je vais. Alors, c'est vraiment le service des GM qui est un autre département, donc je vais leur en parler une nouvelle fois après cet entretien. Je vais leur expliquer qu'il y a vraiment un besoin de plus d'informations et je leur dirai est-ce que vous êtes prêt à faire quelque chose et je te donnerai une réponse sur le forum officiel. En revanche, comme c'est leur bébé et c'est eux qui s'occupent de ça de manière quotidienne, je peux pas te dire s'ils vont accepter, s'ils vont changer, s'ils vont dire non, voilà. Donc, j'ai juste présenté les éléments comme ils sont en ce moment, avec leur mentalité, de savoir comment ils travaillent. Je vais leur en parler, je vais leur dire qu'il y a une réelle attente de la part de la communauté, et je vais revenir avec toi avec des réponses en disant voilà pourquoi ils le font, voilà pourquoi ils ne le font pas. Je Pour... pense que c'est. Tu vois, je veux pas couper la communication, mais c'est quand même un sujet où c'est. Déjà, c'est pas mon département, donc c'est expliqué, mais en plus, c'est très flexible, tu vois, il y a plein d'éléments qui entrent en Au moins, compte, ça on peut relie à deux pas. Codemasters, donc c'est déjà ça. Ah oui, de toute façon, c'est un sujet bien entendu qui est connu en interne. Au C'est moins, tu géré peux par donner une Codemaster. réponse. C'est déjà Ouais. ça. Il y en a plusieurs qui ont été données. Après, par rapport à la communication des GM, je pense que c'est ça qui pose un gros problème aussi. C'est que quand on fait des tickets, par exemple, où on a des réponses très très vagues, ce qui est logique aussi, mais il y a un gros manque de communication par rapport à ça. On a l'impression que on peut se faire ban comme ça parce qu'on monte sur un rocher, parce qu'on monte à un Tout à fait. endroit, parce qu'on tape un tel, qu'on pull le camp chasseur, En en fonction effet, ou autre, de mais. comment la personne va insister auprès des GM pour se plaindre. Ah mais ce Voilà. sera, là je tiens à Voilà. préciser que ce ne sera pas le cas quand même. Les GM savent faire la part des choses, savent rester indépendants, et si, enfin, de toute façon, le GM contacte dans la majorité des cas avec le joueur qui est incriminé, il viendra lui parler. Nous, c'est pas de leur intérêt, déjà, et c'est pas du tout la manière dont ils travaillent, de venir bannir comme ça d'un claquement de doigts. Ils vont d'abord essayer de communiquer avec le joueur et de savoir ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Donc on Justement, privilégie quand c'est même la communication plutôt qu'à la sanction. des fois il faut. Je pense que la demande est justement par rapport à la communication. Ce serait super de leur faire communiquer un peu plus parce que il y en a qui se font ban comme ça juste parce qu'ils ont dit des choses sur le réseau ou autre. Et je pense que la demande globale de la communauté PVP, c'est ça, c'est une communication plus personnalisée. Je sais que ils peuvent pas spécialement, mais il faut vraiment voir les cas par cas et qu'on ait l'impression que chaque joueur est traité au cas par cas et pas comme un numéro ou des choses comme ça. C'est juste une demande de communication si tu peux faire passer le Ah bah, message. de toute façon, je vais les faire remonter, ça c'est sûr. Ça, on est toujours, bah, on est friand, mais enfin, on est très réceptif vis-à-vis des impressions des joueurs. Et ça, c'est quelque chose que je ferai remonter après l'entretien. Donc il y aura un suivi de ma part. Ok. Ingor, as-tu fini? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Traoré est content. C'est cool. Ça rigole Ok. derrière. Je coupe. Donc, bah, on va passer à une question suivante. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je suis en train de regarder la liste, hein, parce que là, j'ai plein de MP en même temps.